immense nef spatiale, érigée au rang de déité, errent sans but aux confins de l'espace connu depuis que leur créateur, l'homme, a disparu, rayé de la carte au cours de l'hécatombe. Comment se libérer du carcan des règles d'airain imposées par un créateur qui n'est plus? Comment réagir à la découverte d'une nouvelle forme de vie? Se peut-il que ce soit le dernier homme? C'est l'intrigue du passionnant Latium de Romain Lucaso, un space opéra épique, une épopée de SF qui emprunte à la tragédie grecque au moment où The Expanse est adapté en série, et avec la reprise des séries Star Trek et Star Wars au cinéma, le space opéra est-il en train de vivre un nouvel âge d'or? Le nouvel âge d'or du space opéra, c'est le sujet qui va nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour répondre à cette épique question et évoquer l'histoire de ce genre littéraire, nous avons donc l'immense plaisir d'accueillir autour de la table de la méthode scientifique Romain Lucaso. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc l'auteur de Latium aux éditions de Noël dans l'excellente collection Lune d'encre du non moins excellent Gilles Dumais. Et l'honneur également et le plaisir d'accueillir un pilier, que dis-je, un monument de la SF française, Serge Lemal. Bonjour. Bonjour. Le cycle de Faust, la brigade chimérique, l'indispensable anthologie Retour sur l'horizon que tout amateur de SF devrait avoir sur sa table de chevet, entre autres. Mais avant de vous retrouver, il est tout aussi indispensable à la méthode scientifique que Serge Lehmann l'est à la SF française, Xavier Martinet. Bonjour. Bonjour Nicolas. Pour le Journal des Sciences. Le Journal des Sciences. Et on commence par une controverse ouverte dans le milieu de la physique. Il y a un mois, l'université de Harvard affirmait avoir réussi à créer de l'hydrogène métallique. Ce serait une première historique, mais c'est toujours pas vérifié, Xavier. En effet, s'agit-il d'une percée dans la physique des hautes pressions, comme l'indique Harvard, ou bien d'un échec du processus d'évaluation, comme le commandent certains spécialistes après la publication dans Science, quand même, des résultats de cette expérience. Le problème, il faut le dire, est littéralement fondamental. C'est le comportement de l'hydrogène sous très haute pression. Ce qui est fascinant pour le premier élément chimique et aussi techniquement très compliqué, puisque l'hydrogène est gazeux le plus souvent et il pourrait atteindre théoriquement un état solide à très basse température et très haute pression, autour de 5 gigapascales, autrement dit 5 millions d'atmosphères. Jusqu'ici, pour les physiciens, il existe une limite techniquement infranchissable autour de 300 gigapascales. Or, ceux de Harvard affirment bien avoir atteint 495 gigapascales et avoir observé de l'hydrogène qui noircit et devient solide. Ça n'a jamais été réussi et c'est impossible avec les moyens actuels, selon plusieurs chercheurs du CEA ou de la Humboldt, par exemple, à Berlin. Pour le physicien Paul Dumas du synchrotron Soleil, les résultats de cette expérience diffèrent trop de ceux constatés par les autres expériences. Les scientifiques américains se seraient trompés, en fait, dans leur grille de calibration. Cette expérience-là, elle est assez polémique pour les gens qui travaillent depuis de nombreuses années sur l'hydrogène, dans la mesure où on a beaucoup de preuves expérimentales pour essayer de suivre toutes les étapes de l'évolution de l'hydrogène au cours de la montée en pression. Et la première surprise que nous avons eue en consultant l'article, c'est que Diaz et Silvera reportaient un noircissement de l'hydrogène à environ 4 millions d'atmosphères. Il y a un décalage qui est très grand. Donc, en résumé, la pression qui est annoncée de 4,9 millions d'atmosphères, en fait, on la reporte avec les valeurs consistantes à bien moins que ça, on la reporte à 3,4 millions d'atmosphères. Et on sait que dans ce domaine-là, l'hydrogène ne devient pas métallique. Mais au niveau de la technologie, les formes de diamants qui sont utilisées, en particulier actuellement par l'équipe de Paul Loubert avec laquelle je collabore, ont déjà permis d'atteindre des pressions très hautes. Donc là, on est vraiment à l'aube d'arriver à les conditions parfaites pour pouvoir passer cette barrière de 3 ou 4 millions d'atmosphères et de vraiment aller au-delà dans le domaine où on attend réellement la transformation de l'hydrogène en métal. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant et passionnant que beaucoup de la communauté scientifique attend. Et il faut dire, Xavier, que la compétition pour produire de l'hydrogène métallique s'intensifie ces dernières années. Oui, c'est vrai. Plusieurs laboratoires travaillent sur le sujet avec ces fameuses enclumes à diamants, comme vous l'avez entendu, le CEA en particulier, avec l'aide des mesures du synchrotron Soleil. Et ce n'est pas la première fois, il faut le dire aussi, qu'une telle annonce a eu lieu. Une des premières, c'était en 1996. Il y a donc un grand intérêt autour de cet hydrogène métallique parce qu'une fois solide, il aurait des propriétés très intéressantes pour de futures technologies. Il serait supraconducteur à température ambiante, c'est-à-dire qu'il pourrait pourrait révolutionner le transport et la production d'électricité. C'est ainsi le Saint Graal pour Isaac Silvera de Harvard, mais c'est aussi la pomme de Discord de la physique moderne. Alors s'agit-il d'une erreur de protocole? Écoutez Isaac Silvera, il veut se montrer très confiant. Nous aussi, ça fait des années qu'on travaille sur l'hydrogène. Et on a pu atteindre des pressions extrêmement élevées. Et avec notre technique d'enclume à diamant solidifié, ces dernières années, nous avons pu effectuer 3 expériences réussies. La première a atteint 3,5 millions d'atmosphères. La deuxième, 4,2 millions. Et à ce moment-là, le diamant s'est brisé. Et vous voyez que dans cette expérience qui a produit de l'hydrogène métallique, on a été juste en dessous de 5 millions d'atmosphères. Alors c'est vrai que c'est compliqué de mesurer la pression dans des conditions aussi extrêmes, parce qu'on n'a aucun étalon pour calibrer nos instruments, et donc oui, nous avons fait nos propres extrapolations. Mais l'important, c'est ce que nous avons observé quand nous avons augmenté la pression. D'abord, l'hydrogène cesse d'être transparent, noirci, puis en augmentant encore, soudain, il est devenu brillant, comme du métal. Bien sûr, nous allons faire d'autres mesures, mais vous savez, c'est une vraie découverte historique. Quand l'homme a posé le pied pour la première fois sur la Lune, vous pensez que nous aurions dû attendre qu'il aille une deuxième fois pour l'annoncer ? En astrophysique maintenant, une observation bien confirmée, celle-là, une vraie première. Des astronomes ont pu voir de très très près l'explosion d'une étoile. Et oui, à 3 heures près, une vraie première, c'est l'étoile SN2013FS. Elle est située à 8, elle fait 8 à 10 masses solaires. Elle est située à 160 années-lumière de la Terre. En fait, elle était en fin de vie lorsqu'elle a été découverte par hasard en 2013. Elle a été photographiée donc presque au moment où elle explosait. Les télescopes ont perçu autour d'elle une immense enveloppe de gaz, très chaud, 60 000 degrés, et éjectée à très haute vitesse, 100 km/s, qui sont caractéristiques des derniers feux, on pourrait dire, issus de la fusion nucléaire de l'étoile en supernova, avant que celle-ci n'explose et que la coquille de gaz ne se disperse en 5 jours. La fin d'une étoile donc est le début peut-être d'une meilleure compréhension de leur fonctionnement, avec à terme peut-être pouvoir prédire leur explosion. En Espagne maintenant, Xavier, une nouvelle technique révolutionnaire de détection du VIH une semaine seulement après l'infection. Là, c'est un dispositif qui a été mis au point par le Conseil supérieur de recherche scientifique et l'Institut de microélectronique de Madrid. Microélectronique parce que pour cibler précisément et directement une protéine du virus qui s'appelle l'antigène T24, on le fait déjà, il a fallu là inventer un biocapteur de nanoparticules d'or et des structures mécaniques en silicium. C'est ce qui permet de détecter la présence du virus même à des taux 100 000 fois inférieurs aux techniques actuelles, 3 semaines après, je le rappelle. De plus, les structures se fabriquent assez aisément. Ce nouveau test pourrait donc être produit à grande échelle et à faible coût. Deuxième sujet cette semaine, il n'y a pas que les tortues marines et les oiseaux qui ingèrent du plastique. Selon une première étude publiée cette semaine, les grands fonds des océans seraient eux aussi gravement touchés par la pollution. Oui, les grands fonds et leur faune, et de loin ont constaté ces chercheurs britanniques et australiens sur 3 espèces d'amphipodes. Ce sont ces minuscules crevettes présentes dans les très grandes profondeurs. En l'occurrence, il s'agit des fosses des Mariannes et de Kermadec dans le Pacifique. C'est ce qu'on appelle la zone Adal, autour de 7000 mètres de profondeur. Ça vient de Hadès et de fait, c'est un véritable enfer pour ces animaux puisque les taux de PCB plastique et puis les PBDE, les retardateurs de flamme détectés sur ces amphipodes, atteignent respectivement 230 et 23 nanogrammes en moyenne par gramme, ce qui sont des doses très importantes pour ces perturbateurs endocriniens qui pourraient donc empoisonner lourdement la faune. En fait, les fosses agissent comme des pièges à polluants et pour une première étude si profonde, la situation est vraiment alarmante. Écoutez Alan Jamieson, il est professeur à la School of Marine Science de Newcastle et co-auteur de l'étude. Le problème, c'est que presque personne n'a étudié la faune à de telles profondeurs. Nous sommes un des 3 ou 4 instituts à essayer d'y aller régulièrement. Nous ne savons rien de ces écosystèmes, et donc la surprise n'était pas d'y trouver ces polluants. Nous savons que ceux-là sont partout, mais de voir à quel point ils s'y sont accumulés. Si vous prenez la fosse des Mariannes, ce sont les concentrations les plus élevées qu'on puisse trouver. Elles sont même 10, 20 ou 30 fois plus importantes que chez les crustacés des côtes ou les poissons des rivières chinoises, pourtant très pollués. Alors pour l'instant, difficile de dire exactement les effets sur ces populations d'amphipodes, en partie parce qu'ils vivent si profond qu'on ne peut pas les remonter vivants pour les étudier en laboratoire. Mais on sait que les PCB particulièrement affectent la capacité reproductive et donc l'espèce décline en quelques générations. Donc ça doit être de cet ordre-là. Et encore une fois, le problème à ces profondeurs, c'est que nous n'avons pas un siècle de données en biologie marine déjà disponibles. Nous n'avons rien. Alors même si on pouvait les remonter en laboratoire, on ne sait pas quel est leur état naturel. Donc c'est déjà trop tard, et c'est ce qui est triste. Pour finir par la science improbable de la semaine, la sexualité des mouches. Oui, une étude publiée mercredi sur la Lucilia sericata, la fameuse mouche verte des cadavres et de la chanson des inconnus. En filmant leur battement d'ailes à 15 000 images par seconde, les chercheurs se sont en effet aperçus que l'excitation sexuelle du mâle était étroitement liée à la fréquence de ses battements. En fait, elle détermine complètement le choix du partenaire sexuel parce qu'elle renseigne sur le sexe et l'âge de la mouche. Celle de la femelle jeune bat à 178 Hz. 178 battements par seconde. En fait, c'est la lumière qui est réfléchie par les ailes qui vient littéralement taper dans l'œil et les photorécepteurs de la mouche mâle et qui produit l'excitation sexuelle. 178 Hz, donc c'est la référence et le summum de l'érotisme chez la mouche. Si on empêche la femelle de clignoter, le mâle reste stoïque. Par contre, si une diode émet une fréquence à 178 Hz, je vous laisse imaginer, Nicolas. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Vous écoutez France Culture, nous allons parler au cours de cette heure de l'impressionnant roman de Romain Lucaso, Latium, qui est publié chez De Noël dans la collection Lune d'encre, en compagnie de Serge Lehmann, qui était écrivain, scénariste et critique notamment. Pour commencer, vous n'êtes pas tout à fait en fait des inconnus l'un pour l'autre, c'est un peu une reconstitution de Ligue dissoute dans ce studio, Serge Lehmann. Ben, on se connaît comme se connaissent les gens du milieu, comme on dit, c'est-à-dire ceux qui font de la science-fiction un peu plus qu'un hobby, mais une pratique courante tout le temps et y penser. On se connaît parce que, à ma grande confusion, j'ai refusé une nouvelle de Romain dans l'anthologie dont vous parliez tout à l'heure. Non pas qu'elle n'était pas à la hauteur, elle était à la hauteur, mais elle ne collait pas avec le... J'avais 30 nouvelles formidables et il fallait que j'en prenne 15. Retour sur l'horizon, hein, voilà, chez De Noël également. Donc Romain a fait partie des gens à qui j'ai dit « Écoute, ta nouvelle est formidable, mais... » Le livre que je fais, elle n'y a pas place. Et je suis très heureux et très impressionné de voir que, quoi, 4 ans après, 5 ans après, un peu plus. 6 ans après, ouais, 6-7 ans, ouais. Il y a cet énorme roman qui confirme la qualité du texte que j'avais lu. Romain Lucaso, vous assuriez dans une interview que c'est entre autres, grâce à Serge Lehmann, que vous avez franchi le pas, une interaction décisive, ce sont les mots que vous avez employés. Absolument, parce que Serge Lehmann ne se souvient pas de moi, évidemment. Parce qu'il était devant une assemblée fournie à l'École normale supérieure, mais il avait fait pendant ma scolarité une conférence dont je lui ai d'ailleurs demandé une retranscription il y a quelques temps, il y a un an ou deux, pour écrire moi-même un article sur la question du genre en science-fiction. Et ça a été un des éléments, avec d'autres rencontres, celle de Jacques Guamard, qui est un ancien élève de l'ENS et qui était lui-même un éditeur directeur de collection de science-fiction et de fantasy, ça a été des éléments qui m'ont donné envie d'écrire de SF. Il faut repréciser en deux mots peut-être votre parcours rapidement. Latium, c'est votre premier roman, mais vous aviez écrit, comme l'a signifié Serge Lehmann tout à l'heure, quelques nouvelles auparavant, et vous n'avez pas un parcours typique, si tant est qu'il y ait un parcours typique d'écrivain de science-fiction. Ah. Ben, il me semble qu'il y a quand même un peu un parcours d'écrivain de science-fiction, ouais. Parce que, en fait, d'abord, il y a une espèce de, un peu de cursus qui existait dans le temps dans la littérature générale et qui n'existe plus vraiment, parce que la littérature de science-fiction consomme de la nouvelle. Donc, enfin, les lecteurs de science-fiction consomment des nouvelles. Ils aiment ça, et d'ailleurs, c'est un genre à nouvelles. Donc, on commence à faire ses premières armes en écrivant des nouvelles, dans des revues un peu amateurs, puis un peu plus pro, puis carrément pro. On a des prix, puis on se dit, ben là... Puis des anthologies, parfois. Exactement. Exactement. Et donc ça, c'est ce que j'ai fait. Et pour la petite histoire, effectivement, moi, je viens d'une formation académique, initialement, et j'ai commencé à écrire de la science-fiction quand j'en suis parti pour travailler dans le privé. Ça me semblait être une bonne chose, à la fois de quitter l'univers de l'université et puis d'écrire des choses... moins académique que ce que je pouvais écrire avant. Vous êtes normalien, agrégé de philo, vous pouvez le dire sur France Culture, hein, ce n'est pas un gros mot. Vous pouvez le dire. Avant d'en arriver, parce que j'aimerais voir justement le lien, parce que il me semble à la lecture qu'il y en a un, mais Latium, on l'a dit, hein, c'est un projet assez vaste. Je me suis j'ai essayé tout à l'heure de faire un petit résumé dans la présentation de l'émission. Pour les auditeurs qui viennent nous rejoindre, je vais vous laisser vous faire un résumé. Comment est-ce que vous résumeriez ce projet plus que ce roman, Latium? Alors, je vais vous dire en tout cas mon intention. Mon intention, c'était de construire quelque chose qui soit complètement un space opéra avec un contenu qui est celui d'une mobilisation de références ou d'un univers culturel qui est celui de la littérature française classique et de l'Antiquité. Mmh. Et donc j'avais envie de croiser les deux. J'avais au départ une espèce d'image mentale un peu... un peu floues, qui étaient celles de très beaux princes et princesses dans l'espace et qui ont des aventures un peu cornéliennes, voilà, qui ressemblent à celles du théâtre classique. Et puis, j'ai construit une histoire pour pouvoir justifier cette espèce de vision esthétique. Donc c'est très ce qu'on appelle du rétro-engineering. Alors, parce qu'il y a beaucoup de genres dans l'Atium, hein. C'est du space opéra indiscutablement, puisque ces princes et ces princesses sont en fait des intelligences artificielles qui ont été implémentées dans des vaisseaux gigantesques. Il y a du péplum, il y a de la tragédie antique. Comment est-ce que vous avez vous-même manipulé tous ces genres pour en produire un seul? Est-ce que vous pensez que ça reste avant tout un space opéra? Pour moi, c'est clairement un space opéra. Mon intention était vraiment d'écrire un objet ou un produit culturel, pour utiliser des gros mots, qui soit quelque chose qui se consomme comme un livre de science-fiction. Donc c'est gros, comme un livre de science-fiction doit l'être. Non, c'est pas vrai, tous les livres de science-fiction sont pas gros, mais comme les grandes sagas de science-fiction comme doivent les sagas de science-fiction le sont souvent, exactement. Et puis, effectivement, ça va chercher un certain nombre d'éléments qui sont très inscrits dans le genre. Les vaisseaux spatiaux, les batailles spatiales, ce qu'on appelle le planète opéra, c'est-à-dire les aventures, qui arrivent plutôt dans le tome 2, les aventures de découverte d'un environnement planétaire, etc. etc. Donc ça, c'était important, et c'est un peu identitaire. Et après, il y a par-dessus une couche qui est souvent traitée de façon ironique ou enfin, qui constitue aussi un jeu de ma part, qui consiste à aller piocher des références au théâtre classique, à la philosophie classique, à la philosophie antique, etc. Il y a beaucoup de détournements, il y a beaucoup de blagues en fait dans ce roman. Tout le monde n'est pas sensible à ce type d'humour, malheureusement, mais en tout cas, il y a beaucoup de blagues en fait. Comment est-ce qu'on passe d'un poste d'enseignant en philosophie politique à Paris 4 à un projet de space opéra titanesque, à ce projet de roman monde en quelque sorte, qu'est l'Atium, puisque vous allez nous le dire tout à l'heure, mais il va y avoir une suite. Vous pensez déjà à écrire la suite de ces deux tomes? En fait, il y a pas mal de philosophes qui sont assez férus de science-fiction. Je vais pas les dénoncer ici, mais par exemple, mon tuteur à Normale Sup, Quentin Méliassou, qui maintenant est maître de conférence à Paris 4, je crois, avait écrit un petit article sur Asimov en son temps. Parce que il y a une connexion entre la philo, le vertige métaphysique, la question du sens, la question de la place de l'humanité ou de l'homme dans le monde, avec effectivement une écriture de ce type-là, puisque la science-fiction, ça sert à ça, ça sert à changer tous les paramètres, à déplacer ça dans le temps très très loin, à faire des expériences de pensée pour révéler quelque chose. Enfin, voilà, je cite un peu Serge Lehmann en disant ça. Donc, il reconnaîtra peut-être quelques bribes de son propre discours. Oui, Serge Lehmann, brillamment réagencé, plus brillamment que ce que j'avais fourni. Non, moi, je partage tout à fait cette intuition. Elle est fondamentale. Et d'ailleurs, je pense que Jacques Guamard a été un des premiers, effectivement, à la formuler, que la science-fiction accomplit quelque chose de spécifique en mettant en scène dans un siècle, le 20e, puisque l'essentiel de son histoire s'est déroulé au 20e siècle, en mettant en scène un homme cosmique dans tous les sens que l'on peut attribuer à cette expression, la SF accomplit une fonction culturelle que la haute culture, la grande littérature, spécialement en France, au XXe siècle, n'a pas voulu accomplir. Sans doute parce qu'elle considérait que le destin cosmique de l'homme, c'était fini. C'était une question... Ou que ce travail avait déjà été fait ou résolu par les auteurs précédents. Non, mais je pense qu'en plus, il y a une affirmation plus volontaire que ça, qui est de dire ce sont des problématiques qu'il faut liquider. Ça nous empêche de voir le réel. Et il y a une dimension de ce que les Anglais appellent l'escapisme dans la science-fiction, c'est sûr. On lit ça aussi pour s'arracher au monde. Mais je crois que le seul désir de fuir dans des espèces de vacances de l'esprit ne suffit pas à expliquer la puissance de cette littérature et le fait qu'elle est devenue aujourd'hui une source d'images que tout le monde partage sur la planète entière. Rien n'est plus familier aux gens d'aujourd'hui que Star Wars. Bon. Mais Star Wars, ça sort de récits inventés dans les années 20-30 par des gens qui avaient cette intuition que, ben oui, le monde de la galaxie et le monde de l'évolution darwinienne, ça allait donner des récits comme ça. Des récits de confrontation entre espèces à des échelles qui peuvent s'étendre sur plusieurs millions d'années. Et on retrouve là, sous la forme d'un jeu de l'esprit assis sur la science du début du XXe siècle et ses découvertes, une remise en scène du destin cosmique de l'homme. Mmh. Ouais, mais pas en termes métaphysiques, en termes ou en termes métaphysiques déguisés en forme de termes physiques. Voilà. Vous pensez aussi, Romain Lucaso, que le roman du XXe, en se rétrécissant sur l'individu, sur la pensée, sur l'intime, a abandonné ce champ dans lequel qu'a investi plus tard la science-fiction, de la transcendance, de la métaphysique, de la projection. Alors c'est une problématique très française qui en effet est liée à la victoire du roman psychologique comme genre sur les autres genres possibles du roman, puisque au XIXe siècle et au XVIIIe siècle, l'ensemble de la littérature ne se réduit pas au roman qu'on va dire entre guillemets bourgeois, sans aucune critique à l'égard de la bourgeoisie. Et donc de ce fait, en effet, le propos, je caricature vraiment à grands traits, hein, parce que c'est plus compliqué que ça, mais le propos d'une certaine littérature, c'est en effet l'exploration de l'individu dans sa réalité, de sa profondeur psychologique et de l'articulation entre effectivement ses pensées, ses réactions. Ce qui n'est pas le cas partout, puisqu'il continuait à avoir aux États-Unis, en Amérique latine, une veine de grande littérature épique. Voilà. Le réalisme magique, pour ne citer que lui, les grands romans américains des années 60. Voilà. Et donc, du coup, je pense que dans cet univers-là, en effet, moi, quand je me suis posé la question d'écrire, je me suis toujours posé la question d'écrire dans le cadre de la science-fiction, parce que il me semblait que c'était effectivement dans cet univers de la science-fiction qu'on pouvait titiller un certain nombre de problématiques qui sont celles, en effet, de la place de l'homme dans l'univers face à la technologie, etc. Quel est le tout premier point de départ, la première image, la première idée qui conduit à l'Atium? C'est au ton de Corneille mélangé avec quelque chose comme un intermédiaire entre ce qu'on peut trouver chez Ian Banks et ce qu'on peut voir dans Battlestar Galactica. C'est-à-dire, voilà, c'est une espèce de mélange comme ça un peu infâme. Mais c'est, mais au contraire, c'est plutôt réjouissant. Si vous voulez, c'est l'héroïsme du théâtre classique, hein, des personnages qui sont sublimes, qui sont prêts à tout sacrifier, mais qui sont pris dans des jeux de contraintes, etc. Corneille plus que Racine, par exemple. Alors, en l'espèce, là, Corneille plus que Racine. Il y a un fil racinien dans le roman, mais je vais pas faire de spoiler à l'antenne. Il y a un fil racinien dans le roman, mais je pense que le personnage cornélien se prête infiniment mieux à ce type d'expérience que le personnage racinien, qui lui, pour le coup, est un des piliers de ce que sera plus tard la littérature psychologique française. Racine, c'est le sujet de l'approfondissement du moi, quoi. Mm-hmm. Ce qui n'est pas le cas de Corneille, où le héros est jeté face au monde. Donc là, des héros jetés face au monde, pris dans des contraintes, on fait des intelligences artificielles qui sont prises dans des jeux de programmation qui les empêchent de faire ce qu'ils veulent, etc., etc. Préciser en deux mots, puisque la complexité de départ, c'est donc ces intelligences artificielles. L'homme, je le disais au tout début, l'homme n'existe plus. Donc voilà. Le créateur a disparu et ces entités sont à la fois des déités et en même temps, il leur manque la liberté d'action, le libre arbitre. Ouais, alors l'histoire, de façon précise, c'est donc ça se passe dans une espèce de futur alternatif. Gréco-latin. L'humanité a intégralement disparu. Elle laisse derrière elle des intelligences artificielles qui ont été ses serviteurs, qui sont étroitement programmées, comme chez Asimov, pour ne pas pouvoir faire de mal à un quelconque être vivant. Les règles, c'est le carcan, c'est les lois de la robotique, c'est les mêmes. C'est les lois de la robotique. Ces intelligences artificielles, étant privées de leur maître, se lancent dans une espèce de quête effrénée pour trouver les dernières traces d'ADN humain, quelque part dans l'espace, histoire de pouvoir reconstituer la race des maîtres, parce qu'elles sont confrontées à la terreur de la liberté. Ce faisant, elles rencontrent une race d'envahisseurs extraterrestres. Et donc, elles sont prises dans une contradiction qui est insoluble, qui est de protéger l'écosystème humain parce que cette invasion extraterrestre sonnerait la fin d'une possible résurrection de l'âme, et en même temps, leur incapacité à tuer, et donc à se défendre. Et donc, prises dans cette contradiction, elles produisent des espèces de névroses artificielles, pour le coup, et l'une d'entre elles se met en quête du dernier homme, etc., etc. Comment, alors, je vais mettre un peu de ressenti et de subjectivité. Je peux pas ne pas penser à Ilium et à l'impost de Dan Simmons, qui sont un projet un peu fou que Dan Simmons a eu dans le milieu des années 90. Pas sous le contrôle de Serge Lehmann. C'était à la fin des années 90. Hyperion, c'est début. Donc. Oui, Hyperion, c'est début des années 90. Ilium et Olympos, Dan Simmons, auteur donc du cycle d'Hyperion et d'Endymion, décide de réécrire l'Iliade et l'Odyssée dans une grande, en space opéra, avec des allers-retours entre le passé et le futur, c'est une source d'inspiration. C'est difficile de ne pas y penser, en tout cas. Alors, les sources d'inspiration, c'est clairement Dan Simmons, Ian Banks et Alastair Reynolds, qui sont trois auteurs que j'apprécie beaucoup. Et c'est plus profondément, il y a un geste des auteurs de science-fiction anglo-saxons qui consiste à dire « moi, je prends du matériau culturel, même de la, entre guillemets, haute culture, voire de la culture universitaire, puisque l'Iliade et l'Odyssée, bon, c'est connu, mais chez Dan Simon, c'est exploité de façon hyper détaillée. Mmh. Et j'en fais de la science-fiction, parce que ça me fait marrer. Et j'ai le droit, il n'y a pas de problème avec ça. Geste qui, parfois, je pense même souvent, manque un peu dans l'univers de la science-fiction française, où il y a une séparation un peu plus forte entre, haute culture et culture, entre guillemets, perçu ou auto-perçu comme populaire. Et donc ça, c'était un sujet qui, moi, m'avait beaucoup marqué. On trouve la même chose chez Ian Banks, qui est un auteur britannique absolument incroyable. De la fin des années 90. Voilà, exactement, qui est mort il n'y a pas longtemps. Et pour la petite histoire, un de ses romans passionnants s'appelle Remember Phlebas, qui est une citation d'un poème classique en britannique, qui a été traduit de façon très moche en France par Une forme de guerre. Et donc ça, c'est typique, c'est il y a une coupure entre la science-fiction et la culture, la haute culture, la culture classique, et on peut pas mouiller les lignes, quoi. Il y a une frilosité confirmer ce que dit Romain Le Cazot. Oui, absolument. Et je veux souligner la double percée qu'il effectue, parce que effectivement, non seulement le geste qu'il évoque est plus familier aux auteurs anglo-saxons qu'aux auteurs français, donc le faire en soi, c'est déjà une forme de transgression. Mais la deuxième transgression, c'est de ne pas emprunter à la haute culture anglo-saxonne, mais d'aller chercher dans la haute culture française et éventuellement classique gréco-latine les éléments susceptible de donner de la profondeur et du contenu à une grande saga située dans l'avenir. C'est pour le dire jusqu'à la caricature, je crois que le mot clé c'est quand même péplum, c'est-à-dire que le péplum au fond ça a été au XXe siècle la forme cinématographique sous laquelle a survécu la culture classique et où elle s'est transmise de façon populaire. Voilà, plus personne sait en gros qui sont Jason les Argonautes, mais on a tous les images de la bataille des squelettes tout de même qui avait été mise en scène par Ray Harryhausen. Incroyable, il y a un documentaire sur les effets spéciaux de Ray Harryhausen que je suggère, que je conseille vivement aux auditeurs. Encore plus aujourd'hui où les effets spéciaux sont parfaits, voir l'imperfection à quelque chose d'absolument merveilleux. Donc le péplum a été le canal, disons, par lequel la culture classique qui n'était plus transmise à l'école sous forme d'un bien auquel on était relié affectivement, identitaire, mais donc sous la forme d'un bien culturel, donc pour employer cette horreur, a été transmise comme ça. Et le space opéra a très rapidement s'est approprié ce matériau en le projetant dans l'espace. Le premier auteur qui, à mon avis, a fait cette percée, c'est Frank Herbert avec Dune. Parce que d'un seul coup, ben oui, les Atrides, l'Épice, enfin, on a l'impression Dune, qui est une tragédie antique, en plusieurs actes. Et alors, le choix de Romain, non seulement d'emprunter à cette culture, mais de le faire en puisant délibérément dans ce que, spontanément, on aurait tendance à considérer comme le plus antinomique du grand récit épique, qui est le théâtre classique français, avec sa rigueur métrique, et justement, cet approfondissement des personnages. Il y a une double transgression qui fait de ce roman un objet tout à fait unique et peut-être premier. C'est quelque chose qui est cher à votre cœur puisque c'est ce que vous avez essayé de faire à plusieurs reprises et notamment, je pense à ça, je pense à la Brigade Chimérique, à ces gentlemen extraordinaires version française en allant puiser dans l'imaginaire français et dans les personnages de fiction ou réels d'ailleurs que vous avez exploité pour recréer ce groupe de super-héros improbables du début du XXe siècle. Mais oui, c'est-à-dire qu'il y a un moment où comme simple, moi j'ai grandi dans les années 70 j'ai eu une enfance et une adolescence magnifique grâce à la science-fiction. Non pas que sinon elle aurait été terrible, mais ça m'a transporté pendant toute mon enfance et mon adolescence au point que, au fond, j'ai jamais rêvé de faire autre chose que ça. Et la grande déroute que j'ai ressentie dans les années 80, en devenant adulte et en commençant à essayer d'écrire, c'était de voir à quel point, basiquement, la réponse de la culture française au sens le plus large était une sorte, c'était même pas de l'indifférence ou de l'hostilité, on avait l'impression de parler à des murs. D'un côté, on éprouvait une joie incroyable, on avait entre les mains des clés qui permettaient de sentir ce qu'allait être le futur, de sentir ce qui pouvait être passionnant dans le futur et aussi de terrible, mais les messages émis ne trouvaient personne pour accuser réception. Et donc il y avait une dichotomie comme ça entre il y a des milliers de romans de science-fiction publiés en France, mais c'est comme si cette culture n'existait pas, n'avait aucun poids. Et effectivement, à un moment, au milieu des années 90, la contradiction entre l'importance que prenait cette culture au cinéma, dans la littérature, dans la bande dessinée, bon, dans l'art contemporain, dans le design, et sa non-existence en tant que représentation, ne serait-ce que positive, enfin disons ça existe, dans l'institution culturelle française, m'ont poussé à me dire il y a un problème, enfin il y a une sorte de refoulé là, il y a quelque chose qui est pas normal. Bon. Et donc effectivement, l'enquête ensuite que j'ai faite, qui a duré 15 ans, qui s'achève maintenant à peu près, a été une enquête pour essayer de comprendre à quel moment la culture française qui avait dans les années 30-40 entre les mains déjà un héritage de science-fiction très conséquent, très important, qui avait une influence sur la science-fiction mondiale de l'époque, était en train de se former, comment la culture française a renoncé à revendiquer cet héritage. Et la Brigade Chimérique, ça a été une tentative pour remettre cet héritage en scène de manière complexe, avec une discussion sur les valeurs, mais retrouver au minimum la joie de se dire on peut jouer avec des héros qui sont à nous, on n'est pas obligé d'imiter les Américains pour faire ça, on les a déjà. Et ça a été une grande jouissance, oui. Ça fait un moment que tu le mérites. C'est une blague? Non. Je m'attendais à être remercié. Pourquoi? Pour avoir sympathisé avec notre navigatrice, pour commencer. Vraiment? Écoute, tout le monde t'apprécie, et avec toi, il y a des résultats. Tu ferais un bon second. Vous vous trompez sur moi, capitaine. Le capitaine ne se trompe jamais, leçon numéro un. Ça fait 5 ans que tu es à bord du Kant. Tu as refusé 2 transferts, c'est ici que tu te sens chez toi, c'est ta famille. C'est là qu'on se fait un câlin. Pourquoi t'es toujours ici, alors? Parce que personne n'a essayé de me refourguer un insigne de second, et j'en suis très content. Soit tu évolues, soit tu meurs. Au moins, je mourrai avec le sourire. Réfléchis bien. Un de ces jours, la Terre et Mars vont enterrer la hache de guerre et négocier un traité. Ouais, là vous rêvez, capitaine. Je suis un visionnaire. Tu t'en rendras compte, le commerce de glace fera place au commerce entre la Terre et Mars. Moins de risques, beaucoup plus de profits. Et peut-être une chance de revoir la Terre. Qu'est-ce qui vous fait croire que j'ai envie de revoir la Terre? Pourquoi? T'es recherché dans le Montana? Ça se pourrait. Un jour, tu me raconteras cette histoire. Quand vous m'aurez raconté l'histoire de tous vos bibelots. Eh ben... ils sont à moi. Ils sont... Enfin, c'est... Voilà, extrait de la saison 2 de la série The Expanse, produite et diffusée par la chaîne Sci-Fi, adaptée de la série de romans du même nom, écrit par Daniel Abraham et Ty Frank, sous le pseudonyme de James Corey, qui sont édités en France chez Actes Sud. La diffusion de la deuxième saison vient de commencer. Vous avez lu, vous connaissez Romain Lucazzo, The Expanse, vous avez vu la série? Alors, j'ai lu et j'ai vu la série. Et vous en pensez quoi? Alors, c'est assez intéressant parce que ça fonctionne extrêmement bien. Donc, narrativement, en termes de machinerie, de dispositif, c'est hyper bien. De mon point de vue, c'est le décor du space opéra sans le frisson métaphysique. Et donc ça manque un peu. C'est très ancré, hein, l'intrigue en quelques mots. On est dans le futur, la Terre a évolué, dirigée par les Nations Unies, c'est un espace de paix. Une colonie sur Mars qui a pris son indépendante, qui est plutôt guerrier, entre les deux, la ceinture d'astéroïdes et Cérès, et avec des luttes de pouvoir entre les deux. Serge Lehmann, vous en pensez? Non, ni lu ni vu, ça va être difficile. Eh bien, jetez un œil, c'est une tentative de série assez intéressante, même si effectivement il y a peut-être quelques faiblesses. Bref, toujours, tout ça pour dire que si on ajoute à cela la reprise cinématographique des franchises, Star Wars, Star Trek, même Marvel s'y met avec Guardians of the Galaxy, le space opéra qui était tombé un peu en désuétude, on va dire, dans le courant des années 80, après avoir vécu un âge d'or qui s'est prolongé jusqu'à les années 70, est en train de renaître depuis les années 90, tant en littérature que en cinéma, en série. En France, on peut citer Laurent Genefort avec la saga Omar, Laurent Genefort qui vient de sortir d'ailleurs la Étoile sans issue chez Scrineo. On peut parler de Ian Banks dont vous parliez tout à l'heure, on peut parler de Robert Charles Wilson et de son excellente trilogie Spin, qui est une forme de space opéra aussi. On peut parler d'Aucune étoile si lointaine de Serge Lehmann, par exemple, en 1998. Vous avez le sentiment qu'il y a une nouvelle forme, que le space opéra est un genre qui reprend une certaine vigueur et qui s'est un peu métamorphosé, Serge Lehmann? On est dedans, donc en fait c'est un mouvement historique qui est assez difficile à caractériser. Moi, je suis pas sûr qu'il y ait pas une illusion d'optique là-dedans. Je vais expliquer pourquoi. Parce que on a beaucoup cité dans cette émission, et c'est tout à fait normal, le cycle d'Hyperion de Dan Simmons. Ce roman qui est paru au tout début des années 90 a été comme un coup de gong. C'est-à-dire que c'est à la fois une extraordinaire récapitulation du space opéra depuis les origines, depuis les premiers thèmes qui sont apparus dans les années 20-30, jusqu'à la modernité qu'était au début des années 90, le cyberpunk, lorsqu'il essaye de faire du space opéra. Il y avait des romans de Walter John Williams, par exemple, qui se déroulaient dans un système solaire conquis. On voyait déjà des hommes-machines, bon, voilà. Les mechas contre les vrais humains, ce genre de choses. Donc, il récapitule toute cette problématique-là avec une espèce de brio et de vista invraisemblable. C'est aussi beau que Dune, c'est... Bon, voilà. Donc, il y a eu beaucoup de critiques à ce moment-là pour dire, bon, bah, c'est un peu la fin, quoi. C'est-à-dire que, comme il a tout traité et tout récapitulé, et qu'en plus, il fait basculer le genre dans un commentaire mythologique de lui-même. C'est-à-dire que c'est aussi un signe de maturité littéraire quand quand les livres parlent aussi du genre dont ils sont porteurs. Moi, je me souviens avoir été assez surpris et me dire, au fond, est-ce qu'on va pouvoir faire autre chose que des sous Hyperion maintenant? Voilà, encore plus gros, encore plus long. Bon. Et on a eu ça. Il y a eu une tentative comme ça dans les années 90 de rivaliser par la surenchère. Mais à mon avis, c'est aussi peu sincère que l'inflation des effets spéciaux au cinéma. C'est-à-dire que ça peut devenir formidable visuellement, c'est pas pour ça que vous êtes émerveillé comme quand vous étiez enfant. Et voilà. Or, le but, ce serait quand même, basiquement, comme disait Romain, s'il n'y a pas le frisson métaphysique, ça n'a pas grand intérêt. C'est juste des histoires de multinationales qui s'affrontent, sauf que, au lieu d'être dans le désert, c'est dans l'espace. Bon, mais c'est pas, ça peut être très bien. Mais il n'y a pas ce frisson propre au space opéra qui est, plus que le dépaysement, cette espèce de vertige devant tous les sens possibles de ce que c'est que l'homme cosmique. Voilà. Qu'est-ce que c'est que l'homme étendu au cosmos tout entier? Romain Lucaso, quel est votre point de vue sur ce renouveau auquel on assisterait en ce moment du genre space opéra? Je pense qu'il est un peu plus ancien qu'aujourd'hui, puisqu'il y a eu Battlestar Galactica avant, il y a eu en effet Dan Simmons, il y a eu Ian Banks, et ça c'est hyper important, parce que c'est la vraiment... La culture, c'est vraiment un truc incroyable. La culture, c'est le cycle de la culture, qui est la saga de Ian Banks, qu'il a écrit tout au long de sa vie. Il est décédé il y a 3 ans maintenant, 4 ans. Je pense qu'on est dans un moment où il y a un tas de choses qui viennent de la science-fiction, qui se sont vraiment diffusées dans la culture quotidienne, et dans les usages quotidiens. On a tous un smartphone, il fait des trucs incroyables, on est tous confrontés à une impression d'accélération technologique. On est dans une période aussi où on n'a jamais eu autant de liquidités disponibles à investir dans les startups, donc ça stimule de l'innovation dans toutes les directions, et il y a plein de gens qui sont prêts à mettre de l'argent dans des trucs qui semblent complètement de la science-fiction. Et donc ça crée... Commencé par Elon Musk. Et donc vous êtes dans un univers où tout d'un coup, le réel s'est beaucoup rapproché de la science-fiction. Et donc, si vous voulez continuer à faire de la science-fiction et donc à mettre un peu les choses en perspective, il faut aller un tout petit peu plus loin. Et c'est d'autant plus possible que le socle culturel de l'âge d'or de la science-fiction, il était très tourné autour du space opéra, donc cette réappropriation, elle s'est faite assez naturellement. Donc, moi, mon impression, c'est quand même que y a une dynamique qui est vraiment propre aux cultures occidentales, voire un peu plus loin, puisque maintenant on a aussi des auteurs chinois qui s'y mettent, qui tournent autour de comment ça va être après-demain et après-après-demain, parce que c'est là que se joue un peu le frisson, ou l'inquiétude métaphysique de l'homme, et ça peut plus être les manipulations technologiques et l'intelligence artificielle, parce que il y a une espèce d'impression diffuse qui est sans doute en partie fausse, mais il y a une impression diffuse que les manipulations génétiques, l'intelligence artificielle et compagnie, c'est plus pour après-demain, c'est pour demain. Ce à quoi j'aimerais vous amener, c'est dire que le space opéra en tant que genre au départ, c'est finalement une sorte de western poussé dans l'espace, c'est-à-dire que c'est la découverte, c'est de la géographisation, si vous m'autorisez ce néologisme, de l'espace où on découvre des nouveaux mondes, des nouvelles créatures, etc. Et puis il y a cette poussée philosophique, métaphysique, scientiste de Asimov, de Herbert. Est-ce qu'aujourd'hui on n'arrive pas, du fait des phénomènes que vous décrivez, Romain Lucaso, à une sorte de space opéra réaliste, c'est-à-dire une space opéra qui a déjà les deux pieds effectivement dans le présent et qui du coup n'a plus du tout la fantaisie un peu pop qu'elle pouvait avoir à ses débuts. Là, vous pensez à The Expanse par exemple qui montre ça clairement. Je pense à The Expanse, je pense par exemple à Battlestar Galactica en 2004 qui refilme de façon très réaliste et très en s'inspirant d'images de la guerre, l'espace où on a abandonné les rayons laser, on a abandonné le côté Barbarella pour prendre l'exemple le plus pop, ou Flash Gordon du space opéra. Vous êtes dans un univers quand même où on découvre des palanquées d'exoplanètes Ça, c'est quand même différent par rapport à il y a 20 ans. Mmh. Donc, ça recrée quand même un peu l'imaginaire qu'on avait au 19e siècle. On se disait, ah, on va aller conquérir Mars. Ça va être, voilà, parce que c'est comme ici. Et puis, la conquête de la Lune, c'est avec un canon, quoi. Je pense à Jules Verne. Ça, c'est quelque chose qui avait complètement disparu. On était, il y a 20 ans, je pense, dans un univers où ça semblait être techniquement totalement irréaliste de faire de la conquête spatiale. Et donc, c'était bien... des récits qui portaient sur l'imaginaire entre guillemets lointain, et maintenant effectivement on revient on retrouve une dimension un peu plus réaliste, mais je pense que c'est, enfin moi mon point de vue c'est que c'est pas ça le cœur du sujet. Le cœur du sujet c'est vraiment que c'est cette conquête de l'espace lointain, cette question de l'environnement cosmique de l'homme, c'est vraiment au cœur de notre culture occidentale, enfin scientiste, matérialiste, qui se pose en même temps, qui est en même temps pascalienne, parce qu'elle se pose des tas de questions angoissées, et le space opéra répond à ce qu'il y a des charges. Serge Lehmann ? C'est très simple. On a une connaissance commune qui s'appelle Joseph Altera, qui est un des plus grands érudits de, probablement mondiaux de la science-fiction, et qui a une formule définitive sur le space opéra. Il dit, pour que ce soit un space opéra, il faut que les personnages aient des capes. Et ça reste une très bonne définition. C'est-à-dire que, comme le dit Romain, c'est pas parce qu'on découvre des exoplanètes que l'imagination du space opéra s'en trouve transformée. Au contraire, je pense qu'elle s'en trouve, sinon diminuée, en tout cas gelée. C'est-à-dire que tout geste d'écrivain qui prétendrait prendre en compte le réel physique qu'on découvre depuis une vingtaine d'années, qui est une myriade d'exoplanètes, se condamnerait aussi à ne pouvoir les exploiter que sous une forme scientifique crédible. Or, le grand space opéra, celui qui fait rêver, c'est pas les grandes planètes crédibles, c'est la force. Vous voyez ce que je veux dire? C'est les chevaliers Jedi, c'est les capes. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles, par exemple, j'ai pas été convaincu par ce qu'on a appelé pendant une dizaine d'années le NSO, le nouveau space opéra, qui prétendait renouer avec l'esprit des origines du space opéra, c'est-à-dire, oui, le côté conquête, frontières, découverte de peuples sauvages. Presque une littérature néocoloniale, d'une certaine manière. Jolies petites extraterrestres en maillot de bain. Voilà, exactement. En justifiant cet exotisme, ce faux exotisme, grâce à des performances techniques qu'on n'imagine pas, par exemple, en situant en se passant dans des univers où la singularité a eu lieu. Et où donc, si la singularité, ce fameux bizarre événement qu'on nous promet par la fusion de toutes les technologies dans une trentaine ou une quarantaine d'années se produisait, comme on ne peut rien dire du monde qu'il y a derrière, on peut dire, derrière, on retrouve des princesses, des capes, des vaisseaux spatiaux avec des sabres laser. Mais c'est pas très intéressant et c'est pas crédible. Je pense que les tentatives d'hybridation culturelle comme celle qu'a fait Romain sur l'Atium sont beaucoup plus intéressantes et porteuses d'avenir. C'est un phénomène. On a tendance à l'oublier. C'est pas parce que ça parle de vaisseaux et de planètes et qu'en ce moment sur Terre on fabrique des vaisseaux pour éventuellement aller voir d'autres planètes que le space opéra parle de ça. Vous voyez. C'est ce qui vous manque dans The Expanse, par exemple, Romain. Alors, le caso. Avec une petite nuance, c'est quand on lit le roman jusqu'à la fin, il y a un moment où ça bascule quand même dans. Ils ont pas de cap, mais ça y ressemble beaucoup. D'accord. un mot tout de même pour dire que dans l'Atium, il y a notamment, enfin par exemple dans la façon dont vous expliquez comment est construite l'intelligence artificielle. Là, il y a quand même il y a un peu de hard science dedans. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut vraiment continuer à faire du space opéra sans justement injecter cette approche scientiste, la distinction des noèmes, enfin des subroutines, le fait que les noèmes qui sont les programmes inférieurs, enfin tout ça est tout de même assez assez inspiré, assez imbibé d'une approche scientifique. Absolument, c'est de la science-fiction. Donc il y a une dimension qui est en fait un jeu ironique où j'essaye de raconter avec des dehors qui sont ceux de la art science, si on veut, c'est-à-dire la science-fiction très scientifisante, voilà, où on a l'impression que c'est technique et tout, derrière, c'est un repompage amusé de ce que peut raconter Leibniz, de ce que peut raconter Aristote, etc. Donc ça, c'est un jeu auquel je m'adonne. Moi, je me fais vraiment plaisir. Mes copains profs de philo, ça les fait marrer. Après, bon, je suis pas sûr que ça fasse rigoler tout le monde, mais c'est pas grave, parce que ce jeu-là, c'est un jeu de... C'est exactement ce que disait Serge, c'est un jeu de transgression, c'est un jeu d'hybridation qui vise effectivement à réenchanter le genre, à le remettre en mouvement et à aussi à trouver ma place un peu particulière là-dedans. Mais maintenir effectivement maintenir les deux, c'est-à-dire à la fois le côté un peu techno comme ça, et puis des dimensions un peu plus folles, c'est vraiment le challenge en termes d'écriture. Galactica, tous les Vipers, cessez le combat, rentrez à la base, je répète, rentrez à la base. Je n'ai plus d'énergie. Je ne peux pas rentrer, Starbuck. C'est terminé, mais toi, full corps, c'est un ordre. Lui, tu l'as fait et tu t'accroches. PRL pour plus rapide que la lumière, tout y est. C'est un extrait donc de la série Battlestar Galactica qui date de 2004, que l'on vous conseille vivement si vous ne l'avez pas vu. Une excellente série qui renouvelle un peu les codes télévisuels, en tout cas du space opéra. La raison pour laquelle je voulais diffuser cet extrait, c'est que dans Battlestar Galactica, donc, on a perdu une forme d'enchantement du space opéra original. C'est-à-dire que il n'y a plus de races extraordinaires, il n'y a plus d'extraterrestres. On est dans l'espace, c'est filmé comme la guerre. L'espace, c'est la guerre, c'est la lutte pour la survie. Quand on pense en littérature à des auteurs comme Robert Charles Wilson, qui pensent l'espace aussi de manière hyper scientifique, est-ce que le space opéra contemporain est un space opéra qui a désenchanté l'espace? Romain Lucas, à votre avis? Alors, si on reprend l'exemple de Battlestar Galactica, c'est intéressant parce que c'est la congruence entre un traitement esthétique qui est très moderne, très film de guerre, et caméra embarquée, on les suit caméra à l'épaule, quasiment aucun plan posé. Exactement. Et un traitement des thématiques qui renvoie tout un tas de grandes problématiques philosophico-politiques, voire morales. Alors, l'histoire de Battlestar Galactica, c'est qu'il ne reste plus qu'une poignée de survivants de l'humanité qui sont dans un grand vaisseau spatial. Et donc, il recrée toutes les questions politiques, d'organisation sociale, de théologie, etc., qui peuvent se poser à l'humanité. Donc, c'est vraiment cette espèce de mise en laboratoire de l'humain qui est assez fascinante. J'ai des copains qui de temps en temps projettent un bout de Battlestar Galactica devant leur classe de philo en terminale. Ça marche du feu de Dieu. Ça se pose des questions comme est-ce que c'est un vaisseau militaire qui protège l'humanité, est-ce que cette civilisation, cette société est une dictature? Quelle place pour le pouvoir politique? L'intelligence artificielle est monothéiste, les humains sont polythéistes, qui va gagner? Il y a une guerre de religion qui est en cours. Enfin, ça pose effectivement toutes ces questions-là. Serge Lehmann, sur le fait que le space opéra aujourd'hui est un space opéra non plus réaliste, mais en tout cas du réel, donc désenchanté. C'est possible, et c'est peut-être qu'il faut étendre ce commentaire à l'état actuel de la civilisation et même de sa dynamique, ce qui serait plus inquiétant. C'est-à-dire que la dynamique est quand même très globalement celle d'un désenchantement. Donc la description du monde qui est en cours et qui s'étend peu à peu a pour elle la scientificité, en tout cas on l'espère, et la technicité, mais aussi le prix, c'est le désenchantement. Donc il n'y a pas de raison que les grandes projections dans le futur de l'humanité ne subissent pas ce désenchantement. Mais on peut faire un commentaire inverse et de dire que finalement, le poison suscite toujours son contrepoison. Il y a un film qu'on rattache très rarement au space opéra, et de fait ça n'en est pas un, mais on est à la limite, et qui apporte une réponse très tôt à cette crise, qui est Alien. Au fond, Alien, c'est l'histoire d'un vaisseau cargo avec un équipage de 8 personnes. Le vaisseau est filmé comme on n'avait jamais filmé à l'époque, c'est-à-dire comme un vaisseau pourri, crade, plein de goudron, avec des chaînes toutes noires qui pendent partout dans les cales. Ce vaisseau descend sur une planète dont on ne voit rien parce qu'elle est noyée dans les brumes. On devine un navire extraterrestre échoué, gigantesque, mais c'est tout. Et évidemment, on ramène le 8e passager à bord. Donc c'est un huis clos, il n'y a pas de grande bataille spatiale, il n'y a pas tellement de rayons laser ou très peu, il n'y a pas de cap. Non, non. Voilà. Et pourtant, il n'y a même pas de rayons laser du tout. Et pourtant, l'enchantement est surpuissant. Alors évidemment, ça tient à la créature de Giger qui est extraordinaire, mais je crois la mise en scène de Ridley Scott qui est aussi épatante, le hors-champ permanent. Mais je crois aussi et surtout que ça tient à cette intuition qu'ont eu beaucoup de créateurs dans les années 90-2000, qui est que pour prolonger l'effet de l'émerveillement quand on atteint le stade adulte, disons, qui est celui du désenchantement, il y a une manière infaillible, c'est l'horreur. C'est-à-dire que ce qui était très beau et jouissif et associé à l'enfance devient d'un seul coup terrifiant. Voilà. Et donc, par la terreur, on retrouve des états de saisissement qui sont proches de l'émerveillement qu'on avait à l'origine. Un type comme Tim Burton, par exemple, a très bien compris ça. Les contes de fées, chez lui, sont horribles. Voilà, ils sont terribles, horribles. Mais c'est une manière de rester des contes de fées. Sinon, ça devient des récits psychopathes. C'est pas du tout pareil. Voilà. Donc, dans le space opéra moderne, personne ne vous entendra crier. Très bonne formule. un move, donc, Romain Lucaso, pour conclure. Donc, Latium, 2 tomes pour le moment. Il vous a fallu 5 ans pour les écrire. Vous avez commencé la suite. Il y a une continuité. Vous poussez petit à petit ce projet vers celui du roman Monde. Ah, il y aura une suite. Ça va probablement prendre quelques années quand même, donc je me presse pas pour l'instant. Je vois assez bien ce que j'ai envie de raconter, mais simplement, voilà, il y a un temps de production. Moi, je suis pas pressé, donc on en reparlera. Voilà, d'ici 5 ans, 6 ans, 7 ans, le temps qu'il faudra. Une chose que nous n'avons pas dite au cours de cette émission, c'est que Latium n'est pas de l'anticipation, c'est une uchronie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les voies entre l'histoire réelle et l'histoire de Latium se séparent. Il y a un point de rupture et vous avez dit que ce point de rupture est dans le tome 1. Alors je l'avoue l'avoir raté complètement. Vous offrez un verre à l'auditeur qui arrive à trouver le point de rupture entre la ligne réelle et la ligne fictive. Alors malheureusement, ce point de rupture a été identifié tout de suite par un certain nombre de... Ça a à voir avec les chants cataloniques. Voilà. Bien. Bon, vous avez droit à un verre, du coup. Et pas moi, je suis passé à côté. Tant pis pour moi. Mais c'est plus compliqué que ça, parce qu'en fait, si on y réfléchit, ça fonctionne pas bien, cette histoire dans mon roman. Donc, il aura quand même droit à un verre, mais je laisse au lecteur le loisir d'imaginer ce qu'il veut en termes de point de rupture. Merci beaucoup, en tout cas, Romain Lucaso, Serge Lehmann, d'avoir accepté notre invitation. Je conseille très, très chaleureusement à tous nos éditeurs de se précipiter dans leur librairie de quartier la plus proche pour aller acheter Latium aux éditions de Noël dans l'excellente collection Lune d'encre du camarade Gilles Dumais, et d'acheter par la même occasion l'actualité BD de Serge Lehmann, Métropolis, 7 mages, tout ça. Chez Delcourt, quoi d'autre, Serge ? Et l'esprit du 11 janvier. Et l'esprit du 11 janvier. Le petit essai sur les attentats. L'année dernière. Dans un instant, le journal de 8h, nous on se retrouve demain à 7h, jusqu'à preuve du contraire.